ibon même si isalé télé mi arumbai elengi na rumba ngoy elengi mama ya rumbai afrika na suku se elengi mama ya rumba ngoy awi awi c'est ça. Kinshasa, souk ambiance. Kilima lebo la capitale. Nous caï danser sous cous. Au Congo, Brazzaville. Bamaloa, Tabaï, Mabé. Gabon, Angola, Cameroun. Ghana, soukousé. Abidjan, Trècheville. Nous caï danser Zigribiti. Maïma va à Lomé. I love Jeanne Vignon. Mais évidemment mon cœur que je t'aime à la folie. Togo, Cotonou, Nigeria. Na faso o Mali, Conakry mama rumbango, ada karandingari, mweka koksa okola, elengi na sukuse, bina mbonda ya Afrika, elengi na rumbango, elengi mama ya rumbai, Afrika na sukuse, elengi mama ya rumbango, awi, awi sisa, oki si bon, guti, guti sa. Soyez là, qu'en fait. Ou qu'à plaire ou qu'à danser. Si ou qu'à danser, à nous aller. A, B, C, D, Ingo, Lingo, Dikito, Siki, Laba, Koulwe. Alpha, B, C, D, Ingo, Lingo, Dikito, Biki, Laba, Koulwe. A, B, C, D, Ingo, Lingo, Dikito, Siki, Laba, Koulwe. Kinshasa, Tsuka, Biesi. Oui, Kuma, Kukongo, Federal, Matokuya, Banumba, Bazeka, Lukito. Tousa, Tousa, Bukazeka, Luketo, Bamama, Bakulu, Bakomi, Soba. Wana, Musanzi, Bukakina, Madina, Bayaya, Mabui, Bimba. CD Kingo Lingo Dikito Siki Laba Koulwe. Alpha B CD Kingo Lingo Dikito Biki Laba Koulwe. A B CD Kingo Lingo Dikito Siki Laba Koulwe. Alpha B CD Kingo Lingo Dikito Biki Laba Koulwe. Na Kukongo, Brazzaville, Pointe Noire. Oui, Kuma Kukongo, Malwata et Balumba, Talabaya, Yabubakina, Madingue. Kondo Serge, Bukaseka, Lupeto, Banzazi, Bakulu, Akitiba. Wana Bayonne, Bukakina, Madinga, Coefficient 5 sur 5. Ah oui, c'est ça, oh que c'est.